Du 11 au 17 décembre 2019 avait lieu le 9e festival du Paris International Fantastic Film Festival. Comme l'an passé, nous avions nos amateurs sur place et cette année c'est Coco, avec un peu d'aide de Nio, qui vous parle de ce que nous avons vu. Color Out of Space de Richard Stanley. Les Garner ont à peine le temps de s'habituer à la vie de la campagne qu'une météorite explose leur jardin en pleine nuit, dans un halo d'une lumière qui n'existe pas. Peu à peu, la propriété familiale semble contaminée par un mal indicible qui affecte la flore, la faune et les Garner. Le grand retour de Richard Stanley, 20 ans après son précédent film, un espèce de gros trip visuel, plein de couleurs et de choses plus horribles les unes que les autres. D'ailleurs, on sent pas mal à ce sujet l'inspiration de The Thing dans certains effets gore. J'aurais toutefois quelques petites réserves sur l'interprétation de Nicolas Cage, qui hésite un peu entre le sérieux et l'humour, ce qui nuit un petit peu à l'ambiance. Mais très bon film. Richard Stanley s'approprie Lovecraft et revient au cinéma avec une adaptation de La couleur tombée du ciel. Que peut-on attendre du film ? Des influences de John Carpenter, déjà. Il y a du Lovecraft, quand même, aussi dedans. De bonnes idées sur le son, l'aspect visuel du film. Et un Nicolas Cage qui, malheureusement, fait du Nicolas Cage. Donc, au final, c'est bien, mais sans plus. The Mortuary Collection de Ryan Spindle. Sam entre dans une société funèbre, s'enquérir de l'annonce d'emploi affichée à l'extérieur. Elle est accueillie par l'imposant Montgomery Dark, croque-mort de son état. L'entretien d'embauche prend la forme de récits macabres racontés par le taulier pour le plus grand plaisir de la candidate. Visuellement, c'est magnifique, de même pour tout ce qui est production artistique, design. Les années 60-70 sont très bien reconstituées, donc c'est vraiment une petite série B qui est très sympa à voir. Après, j'aurais quelques petites réserves sur certaines histoires qui sont un peu prévisibles. Mais ça reste du très bon travail, et le dernier est particulièrement réussi. Spiral, de Curtis David Harder. Malik et Aaron emménagent avec la fille de ce dernier dans un quartier a priori plus progressiste. Dès les premières journées dans ce nouveau domicile, Malik est témoin de comportements étranges de la part de ses nouveaux voisins, d'agressions domestiques à caractère homophobe. Au niveau de l'ambiance, c'est vraiment très réussi. Il y a vraiment un climat qui est assez oppressant. Et j'ai plutôt bien aimé la manière dont le film parlait de ces thématiques, comme l'homosexualité dans les années 90, et comment c'était accepté ou pas. En revanche, ça reste le film que j'ai le moins apprécié du pif, notamment à cause de quelques grosses incohérences et de quelques jumpscares qui étaient vraiment inutiles. Mais je le recommande quand même. The Wave, de Gilles Cablin. Frank mène une vie bien rangée d'avocat d'affaires avec femme et hypothèque. La veille d'une réunion décisive, il s'autorise une petite folie et rejoint son collègue dans une beuverie nocturne. De fil en aiguille, Frank absorbe un hallucinogène qui va lui pourrir la vie. Ou l'améliorer, selon la perspective. Visuellement, c'est vraiment très très très imaginatif. Il y a des tas d'idées, toutes plus fortes les unes que les autres. Vu la thématique, les questions de bad trip, de drogue, c'est un peu logique. J'ai aussi aimé quelques directions prises par le scénario qui étaient assez inattendues. Et personnellement, c'est mon préféré du pif. The Wave est un premier film avec les défauts et les qualités des ambitions. Bourré d'un budget rikiki, le film arrive à compenser par beaucoup d'idées visuelles, surtout des gags assez marrants, ce qui fait qu'il accroche notre sympathie. Donc c'est un bon petit film. Ce n'est pas le film du siècle, mais là, à nouveau, ça se regarde. Extraordinary de Mike Ahern et Henda Lofman. Rose Dooley a juré de ne plus se servir de son talent médiumnique pour privilégier sa carrière de monitrice d'auto-école. Son serment sera mis à l'épreuve à la fois par un charmant veuf sans cesse houspillé par l'esprit de sa défunte épouse et par un chanteur de variété suppôt du malin. Donc le film est très sympa, il est vraiment très drôle, c'est assez charmant. Bon, il y a quelques éléments du scénario qui sont un peu prévisibles, notamment autour des deux héros. Mais je le recommande vraiment ce film, il est vraiment très très agréable à regarder et on se sent bien après. Jellicatu de Liro José Pellicerri. Lors de la fête tamoule du Jellicatu, un taureau est lâché sur une place et les plus vaillants tentent d'attraper la bête pour un tour de rodéo. Le film pervertit cette tradition avec un buffle en cavale d'abattoir et le village hanté à sa merci. Aux destructions matérielles se mêlent d'autres dommages. Le film est vraiment très très bizarre. Il n'y a pas vraiment de héros. Ou plutôt, le héros, c'est le village et les centaines de personnes qui le composent. C'est assez étrange parce qu'il n'y a pas vraiment de protagoniste à qui s'identifier. Et les villageois n'arrêtent pas de courir. Il y a beaucoup de musique très très forte, ça ne s'arrête jamais, donc ça ne dure qu'1h30, mais c'est vraiment épuisant. Mais c'est une expérience à voir, surtout sur grand écran. The Pool, de Ping Lupra Ploeng. À l'issue d'un shooting, et surtout de son after, un pubard s'endort sur un matelas pneumatique au cœur d'une gigantesque piscine. Il se réveille pour constater que le niveau de l'eau a suffisamment baissé pour qu'il se retrouve coincé, sans personne pour le secourir. Un crocodile très joueur le rejoint. Bah c'est bien réalisé, bien rythmé. Il y a quelques petits retournements de situation bien sympathiques, mais il n'y a bien rien de vraiment surprenant non plus. Donc c'est sympa à regarder, mais c'est pas transcendant non plus. Mais ça reste quand même dans la moyenne haute des films de Coco. Why Don't You Just Die, de Kirill Sokolov. Marteau en main, Matvey est déterminé à aller venger sa petite amie des mauvais traitements infligés par son père. Celui-ci, un flic plutôt costaud, ne va pas se laisser faire. Les deux hommes s'écharpent dans l'appartement familial et sont bientôt rejoints par d'autres protagonistes prêts à en découdre. C'est très violent, très vénère, avec vraiment une réalisation millimétrée, que ce soit au niveau du montage, du choix des plans, la photographie. Ça donne vraiment l'impression que le réalisateur est quelqu'un qui a vraiment de la bouteille, alors qu'en fait c'est son premier film. Donc très bonne surprise et excellent film. Mon deuxième préféré du pif derrière The Wave. Emprise, de Bill Paxton. Fenton Lex s'en va raconter à un agent de FBI son incroyable histoire familiale. Son père se disait mandaté par Dieu en personne pour débarrasser la surface de la Terre de démons à l'apparence humaine. Ses deux fils à ses côtés pour l'assister dans cette effroyable besogne. Bah, pendant les trois quarts du film, ça se passe plutôt bien. L'histoire elle est prenante et on s'attache vraiment, vraiment au jeune héros qui lutte contre le fanatisme et même la folie de son père. Mais par contre, et sans spoiler, je n'ai vraiment pas aimé la fin qu'ils ont donnée. Non seulement ça n'a aucun sens, mais en plus ça remet complètement en cause tout ce qui a été dit avant et pas dans le bon sens du terme. Ça rend ça insignifiant, donc j'ai vraiment pas du tout aimé le film et pas du tout aimé la direction que ça a pris à la fin. Théâtre de sang, de Douglas Hickox. Les membres d'un cercle de critiques disparaissent les uns après les autres dans des circonstances rappelant de grands classiques shakespeariens. Et pour cause, ils sont la cible d'Edward Lionheart, un acteur ne jurant que par Sir William, bien décidé à prendre sa revanche sur ses plumitifs. Donc une excellente comédie d'horreur avec Vincent Price, c'est plutôt imaginatif et c'est vraiment très drôle avec un humour noir typique des films d'horreur de l'époque. Donc un très bon moment. Vice, de Yasuhiko Shimizu. Un beau chirurgien esthétique ténébreux surfe avec bonheur sur le diktat de la beauté et son accoutumance. Il vend à ses clientes le rêve d'un visage idéal, sans leur préciser vers quel outil chirurgical va sa prédilection. Il faut souffrir pour être belle, certes, mais à ce point ? Il y a des bons moments dedans, il y a des passages très drôles, et le petit message qui est sous-jacent, notamment sur l'obsession de l'apparence, il est plutôt sympa aussi, mais malgré tout ça, j'ai vraiment pas accroché à ce film. C'est vraiment pas très prenant. Dogs Don't Wear Pants, de J.P. Valkea Parr. Joa porte le deuil de son épouse comme une seconde peau. Alors qu'il accompagne sa fille au salon de piercing, ses déambulations à l'étage le font tomber nez à fouet sur une dominatrix. La rencontre lui réveille des émotions enfouies qu'il ne va cesser de vouloir explorer toujours plus loin. Bah ça commence vraiment assez mal, avec un rythme vraiment très lent, voire trop lent, et un héros complètement apathique, ce qui personnellement a souvent tendance à m'agacer dans les films. Mais après ça s'arrange, le film trouve son rythme de croisière et finit par devenir même assez émouvant. Voilà, guettez les éventuelles sorties ciné ou DVD concernant les films qui viennent d'être évoqués. Et en attendant notre prochaine émission, on vous fait de gros bisous.